gens qui luttent, qui militent, qui s'organisent, qui tentent, qui inventent. Et donc voilà, on espère aujourd'hui passer un bon moment autour du pain avec Natacha des West Side Bâtards qui est basée à Nanterre. Bonsoir. Un collectif qui donc est actif et elle nous racontera en quoi ça consiste, ce que c'est cette aventure et également elle pourra nous parler de cette internationale boulangère mobile qui est un réseau de boulangeries, enfin de boulanges, pas forcément mobiles, on verra. En tous les cas, c'est l'intérêt de se rencontrer autour du pain, de pouvoir avoir une action à travers la production de pain. Et on sera également avec Julien. Bonsoir. Qui était justement à cette dernière rencontre de l'IBM, même si ça a été un peu furtif, mais t'y a fait un petit tour. Et on en profitera aussi peut-être pour parler de la ZAD de Gonesse. Là, ce week-end dernier, il y avait une rencontre et il y avait justement Natacha qui était présente, puisqu'il y a eu, du pain qui s'est fabriqué pendant ces deux jours à Gonesse. Je confirme. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir un copain au téléphone pour nous parler de la rencontre qui aura lieu dans le sud de la France à l'occasion du G7. Et donc, on attend. Hein, on attend de voir si on a des nouvelles de lui. Et puis sinon, bah, on en parlera, nous. Et donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire fin août, dirigez-vous vers le sud. Et en attendant, voilà, il y a plein de rencontres avec des collectifs qui font du pain d'ici cet été, si vous avez envie de vous y intéresser. Et voilà, on va faire une petite pause musicale pour commencer, se mettre vraiment bien en train. Et après, c'est à vous. La jungle des luttes. Donc, on commence véritablement notre émission. Donc, maintenant, avec Natacha et Julien. Juste, je vous informe quand même, si vous ne savez pas, FPP 106.3 connaît des petites difficultés. Donc, n'oubliez pas de vous rendre au concert samedi 15 juin à l'espace 15 rue Jean-Antoine de Baïf dans le 13e. Donc voilà, concert soutien à Fréquence Paris Pluriel, samedi 15 juin. Il y a aussi d'autres concerts, mais peut-être qu'on peut faire les deux concerts. C'est 6 balles l'entrée, donc on peut faire un petit bout de concert et puis après aller à d'autres concerts, parce qu'il y a le concert de soutien avec, en hommage à Lim Dieng. Donc du coup, bon voilà, il y a des concerts samedi soir, 15 juin. Donc nous, en attendant, il y aura du pain. Donc voilà, hein, le pain, c'est la base. Et donc, justement, on est avec Natacha du collectif Les West Side Bâtards. Et donc, un collectif qui donne envie. On commence par ça, un petit témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Gemma. Je m'appelle Gemma. Gemma. J'ai 10 ans et je suis dans le collectif WSB, West Side Bâtard, et j'aime ça car on se marre trop, même quand il y a un problème. J'aime la boulange car j'aime toutes les étapes. Et mon étape préférée, c'est le fraisage. Donc là, du coup, tu peux peut-être nous raconter un petit peu qui c'est 10 ans, Gemma, dans le collectif West Side Bâtard. C'est ouvert à tout le monde, donc, ou en tous les cas à celui qui a envie de faire du pain. C'est ça. Eh bien, ouais, il n'y a que l'envie qui compte, en fait, pour faire du pain. C'est très simple. Et donc, dans le collectif, Gemma a toute sa place. Il y a Tom aussi qui a 10 ans, qui boulange avec nous. Et tous les deux, ils étaient bien accros. Ils étaient bien accros l'année dernière. Là, cette année, un petit peu moins, parce qu'il y a eu d'autres aventures pour eux. Mais on espère les retrouver très vite. Hein. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur quand on fait des ateliers... pour expliquer la panification artisanale avec les gens qu'on croise. Ça peut être sur des festivals de cirque ou autres. C'est un vrai bonheur de les avoir avec nous, parce que pour apprendre aux gens à bouler ou à façonner leur pain, et ben Gemma et Tom, ils sont top. Alors raconte-nous justement ce que c'est, ce collectif-là. Parce que j'ai dit que vous étiez basé à Nanterre, mais du coup, vous êtes dans un cirque, en fait. Oui, on est aux arènes de Nanterre, en fait. C'est un terrain qui touche la faculté de Nanterre. Et on ne s'est pas retrouvés là complètement par hasard. On s'est retrouvés là... Bon, je raconte l'histoire. Ah bah oui. Je crois que tout commence en 2017. Ça devait être le mois d'octobre 2017, non, 2016 même, à Amiens. C'était lors du rassemblement au soutien aux 8 saladiers de Goodyear, qui, je rappelle un petit peu l'histoire, mais donc il y avait eu une première instance qui avait condamné des militants syndicaux à de la prison ferme, soi-disant pour une séquestration de patrons. Ça faisait suite... à une annonce complètement délirante de grosses suppressions de postes dans l'entreprise, où pour le coup, d'après ce que j'ai compris de l'histoire, les militants syndicaux, ils ont plutôt sauvé la vie à ceux qui annonçaient les suppressions de postes massifs qui avaient été envoyés vraiment au casse-pipe devant une assemblée de militants super énervés. Et donc, eux, ils avaient plutôt calmé le jeu, mais ils ont été accusés de séquestration, ils sont passés en première instance et il y avait des histoires de... Enfin, ils avaient pris de la prison ferme. Et donc, il y avait le procès en appel à Amiens en octobre 2016, où moi, je m'y rendais avec des copains de Sud-Éduc, parce que... Enfin, Sud-Éducation, voilà, je suis dans l'Éduc. Et donc, on allait là-bas. Et en fait, assez vite, on a fait un tour du terrain et on est tombé sur un gars qui proposait du pain à prix libre. Alors, ça tombait bien, on avait faim. On a goûté ce pain et on est tombé un peu en extase avec le copain qui était avec moi. Là. Non, mais c'est génial, il est vraiment super bon, ce pain au levain. Et du coup, on en a repris. Et puis, on s'est mis à discuter avec Paul, donc, qui était là avec son four et qui nous a raconté ce qu'il faisait. Il avait fait 300 kilos de pain la veille dans un four posé sur une remorque. Et donc, il était en plein milieu d'un parc à faire son pain. Ça paraissait assez incroyable. Et en fait, moi, j'étais en pleine réflexion de l'éducation nationale, quand même, ça devient super compliqué. Il va vraiment falloir que j'arrête. Et je trouvais que voilà, il y avait une solution qui s'ouvrait un peu, de se dire, ben, finalement, c'est peut-être pas si simple, pas si compliqué plutôt d'être autonome financièrement avec un outil simple comme ça, et de pouvoir en plus soutenir des luttes. Donc ça m'a tout de suite plu. Et je me suis dit, mais où mettre le four en région parisienne? Et comme je faisais beaucoup de cirque à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, au cirque, ça va marcher. Donc voilà, je suis rentrée, j'en ai parlé à un copain qui était, lui, très branché dans les cuisines. Cuisine un peu en soutien aux luttes, faire de la récup, etc. Il a tout de suite été emballé. Donc voilà, on a collé 3 affiches en disant, ben, on veut pas seulement du pain, on veut la boulangerie. Et l'histoire, elle est partie de cette idée-là. Et petit à petit, il y a plein de gens qui se sont fédérés autour du projet. On a peaufiné un peu le projet, de savoir pour qui on avait envie de boulanger, comment ça allait se passer, est-ce qu'on montait une asso ou pas. Et voilà, l'école de cirque a posé quelques conditions pour nous accueillir, notamment le fait qu'on soit une vraie association, etc. Donc on est rentré un petit peu dans le cadre qui nous imposait. Et au final, on a des statuts où on promeut l'autogestion et on veut boulanger, en gros, pour soutenir les luttes et le spectacle vivant. Voilà. Donc le collectif, il est né comme ça. Ce qui est assez marrant, c'est que pendant toute la création du projet, il y avait des gens qui étaient très présents, qui ont disparu quand le four est arrivé. Donc le four, lui, il est arrivé en novembre 2017. Et c'est Paul qui nous l'a livré, donc on était restés en lien. Il en avait marre d'ailleurs, Paul, il me racontait l'histoire en me disant, ah, c'est encore Natacha qui m'appelle, j'en ai trop marre. J'ai pas lâché l'affaire, quoi. Et donc il nous a amené le four ce four, il t'a amené le four parce que c'est lui qui a construit le four, ou... Alors il l'amenait parce que il revenait de Lille et il revenait d'Allemagne, il passait par la Belgique à l'époque on s'interrogeait, est-ce qu'on le construit, parce que lui il était en train de commencer à en construire, hein, du coup il nous avait proposé qu'on le construise plutôt que de l'acheter, parce que lui il était assez critique sur les fours belges qu'il connaissait très bien, où il y avait pas mal de défauts. Donc, c'est des fours comment ? C'est des fours à bois ? Alors, c'est des fours qui s'appellent fours de type belge, d'ailleurs. Alors, c'est des fours à bois qui sont métalliques. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage du four métallique, c'est que c'est moins lourd qu'un four maçonné. Donc, pour le déplacer, pour le mettre sur une remorque, c'est pas mal, parce qu'on a des contraintes de poids quand même sur une remorque. On ne peut pas tracter. Enfin, voilà, il y a des remorques qui ont des capacités illimitées. Et puis, tracter un véhicule aussi, des fois, si on ça demande des permis un peu plus... Le permis BE, si on veut tracter du gros, etc. Donc, on est limité par le poids. Après, l'inconvénient, c'est que le bois mange le métal, donc c'est un peu antinomique d'avoir un four à bois en métal. Du coup, ça donne certaines contraintes, quoi. Faut y aller tout doux, faut pas chauffer trop fort, sinon en fait on abîme notre four très vite. L'autre inconvénient, c'est que c'est très léger, ça n'a pas beaucoup de masse, du coup ça perd très vite la chaleur aussi. Donc le four est arrivé, on a commencé par un chantier isolation parce qu'il s'avère que les fours achetés en Belgique sont très mal isolés, donc on a réisolé le four avec lui, on a augmenté aussi un petit peu son inertie, donc le poids, on a rajouté de la matière, quoi, en gros, pour qu'il refroidisse moins vite. Et puis il est resté une semaine et il nous a appris à boulanger en une semaine, et à peine on avait appris à boulanger qu'on se retrouvait déjà à expliquer aux autres comment fallait boulanger, parce qu'il y en avait du collectif qui n'avait pas assisté à ces démonstrations. Et donc, on ne savait même pas faire du pain, que déjà, il fallait expliquer à d'autres comment faire du pain. Donc, ça donnait un truc assez drôle quand même. Voilà, donc l'aventure, elle a démarré comme ça. Parce qu'aucun de vous était boulanger du tout, ou avait non. fait... Alors quand même, pendant l'année de réflexion où on montait le projet, on était allé visiter certains lieux. Alors on n'est pas allé à la conquête du pain, bizarrement, mais on est allé chez, comment il s'appelle, Vandamme, je crois. Ils ont un super four, eux, ils sont sur le plateau de Saclay. Ça, j'avais eu le contact par une copine qui est dans un réseau d'AMAP et qui achète du pain là-bas. Alors eux, ils sont paysans boulangers. Donc, ils font la minoterie aussi. Donc, c'est un circuit court assez incroyable où ils ont les champs de blé autour du village. qui sont en train de se faire supprimer. D'ailleurs, chaque année, on leur supprime des bouts de terrain parce que la route s'agrandit, parce que la gare arrive. Parce qu'ils sont dans le Grand Paris, du coup. Ouais, non, alors là, je pense qu'ils doivent souffrir. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais j'imagine qu'ils doivent bien... Ils ont du souci à se faire, un peu comme à Gonesse. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Et eux, ils ont un moulin. Donc, ils amènent leur blé juste du champ d'à côté. Pouf, ça passe dans le moulin, ça tombe dans le bac. Le bac est sur roulette. Pouf, ça va dans le fournil. Et là, ils boulangent. Alors, ils sont un peu mécanisés. Eux, ils ont quand même pétrin mécanique, diviseuse. Bon, ils ne font pas tout à l'ancienne. Puis, ils sont aussi équipés en chambre froide, etc. Et après, il y a la boutique à côté. Le pain, il est distribué aussi dans les cantines de la ville. Ouais. Donc, les enfants mangent leur pain, tout est bio. Et puis, ils ont une petite boutique où ils vendent dans local. Donc, un circuit court super chouette. Et on les avait contactés, ils avaient été... Ils sont combien, du coup ? Alors, quand on y était, ils boulangeaient à deux. Et ils avaient un four incroyable, un four maçonné... complètement délirant, immense. Alors, je me souviens plus du poids, mais c'était plusieurs tonnes. Je crois qu'ils avaient une seule tournante qui devait faire peut-être 3 mètres de diamètre ou 3 ou 4 mètres. Enfin, un truc vraiment énormissime qui avait été construit par le papa, je crois, de la fille qui boulangeait là-bas. Mais je me souviens plus du nom de son four. Parce que pour donner à manger à tous les enfants de la ville, si la ville est grande... Ouais. Non, la ville n'était pas très grande. Ouais, c'est ça, ouais. Le petit village, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ils avaient été super sympas parce qu'ils avaient accepté de boulanger avec nous. Alors, ils ne nous laissaient pas trop bouler ou alors ils refaisaient le boulage derrière quand même parce que c'était la première fois qu'on boulait et vraiment, on ne comprenait rien au geste. Tu avais eu une initiation avant cette semaine de préparation. Donc, du coup, une fois que... Un petit peu, ouais. On avait fait cette journée-là sur le plateau de Saclay avec un copain du collectif. Et puis, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre Qui est-ce qu'on avait rencontré encore j'avais rencontré Elsa. J'avais rencontré Elsa. Alors ça, c'est Paul qui m'avait mis en lien en me disant, il y a une copine Elsa qui boulange. Qui est une autre internationalaire boulangère mobilière. Et oui, la très célébrissime Elsa, qui boulange toujours d'ailleurs au Pilot, sa Vitry. Et c'était au mois de mai, c'était le lendemain des élections de Macron. Et c'était drôle d'ailleurs parce qu'il y avait eu une manif dans Belleville, je crois le soir de l'annonce des élections, il me semble. Ça devait être le 7 mai, ouais, c'est ça, c'est le 7 mai, je crois qu'il a été élu. Et donc, il y avait eu une manif qui avait forcément été nassée, comme toutes les manifs en ce moment-là. Et elle n'avait pas pu préparer son levain, du coup, Elsa, parce qu'elle était nassée pendant super longtemps, où elle avait fini au poste. Enfin, je ne me souviens plus trop de l'histoire. Mais du coup, le lendemain, le 8 mai, il y avait les portes ouvertes au Pilos, où on avait dû utiliser un petit peu de levure, parce que... Il n'y avait pas le levain. Il n'y avait pas le levain qu'il fallait, voilà. Et il avait fait très, très froid ce jour-là, je me souviens, mais on avait vraiment été super enthousiastes. On était allés, je crois qu'on était 4 ou 5 du collectif à être allés là-bas. Et on découvrait le four qu'on allait avoir, hein, presque. Elle avait le grand modèle, nous, on a pris le petit modèle. Mais voilà, on découvrait tout ça, l'aventure, les trucs à pas faire, parce qu'elle avait déjà fait pas mal de conneries sur son four... les galères d'installation sur la remorque. Enfin, voilà, elle nous a bien aidé aussi à éviter pas mal de galères par son expérience à elle. Et d'où l'avantage aussi d'être en réseau hein, sur l'IBM, c'est qu'on se file plein de petits tuyaux aussi comme ça de ce qu'il faut faire ou pas faire. L'IBM, donc l'International Boulangère Mobile, voilà. On n'a pas encore bien défini. Donc on reparlera. Mais... c'est ça. Et donc voilà, on avait fait cette journée avec Elsa, on a fait cette petite formation de 10 jours et puis après, c'était à nous. Donc après... Ça fait quasiment 2 ans que vous fonctionnez. Un an et demi, Un an et demi, on a fait un petit bilan de 2018 où au final, on a une moyenne d'une boulange par semaine. Je crois qu'on a fait 51 boulanges en 2018. Donc, on était assez fiers quand même de se dire « Ouais, c'est pas mal !» Parce qu'il y a plusieurs périodes où on n'a pas trop boulangé, quoi. Et donc, ce pain, il est destiné à qui, comment, quoi Alors, c'est vos organismes. On s'était dit plusieurs choses. Dans les gens du collectif, on s'était dit « Déjà, nous, on veut du pain pour nous parce qu'on en a marre de manger du mauvais pain Et pour notre consommation perso, nous, on veut faire notre pain, savoir à qui on achète la farine et produire déjà ce qu'on mange. Donc, quand on fait des boulanges sur le lieu, des arènes, en priorité, c'est pour les gens du réseau. Donc, généralement, on se prévient, on fonctionne avec un pad sur Internet où on écrit un peu les jours où on va boulanger. Et du coup, on peut passer les commandes aussi sur ce pad. Si les copains n'ont pas été connectés, on leur envoie un petit texto en disant « Je boulange aujourd'hui, est-ce que tu veux du pain ?» Voilà. Et après, on a une chance incroyable, c'est qu'on est sur un lieu où il y a beaucoup de monde qui passe. L'école de cirque aux arènes, les Noctambules, c'est un lieu où il y a entre 30 et 50 personnes presque tous les soirs, du lundi au jeudi et même le vendredi, il y a du monde aussi. Donc il n'y a que le week-end où il y a un petit peu moins de monde. Et du coup, si on a du pain qui nous reste sur les bras, on prend une caisse, on met notre pain dedans. À côté, on met la caisse dessous. On met, libre, on met un petit mot à côté en disant ce que c'est comme pain. Et puis, on annonce, voilà, pain bio en vente à prix libre, plus ou moins 4€ le kilo. Et on s'en va. Et où on fait notre entraînement avec tout le monde. Éventuellement, on passe une petite annonce, genre « Ouais, on a mis du pain, si vous voulez, servez-vous. » Et puis le soir, généralement, tout est vendu. Et si on est là, on range la caisse et le matos dans la cabane. Et si on n'est pas là, on demande à un copain de le faire. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment super cool. C'est-à-dire qu'on n'a pas à jouer à la marchande, à s'occuper de la distribution, qui est un temps non négligeable quand même dans la boulange. Et ce n'est pas le plus passionnant. De s'occuper de vendre le pain. Donc en gros, les gens, ils se débrouillent. Voilà. Et vous faites combien de kilos de pain du coup environ ? C'est, alors, parce que c'est 50, 100. Nous, on a un petit four, moyen four, on va dire. On a deux étages en sol tournante. Là, ouais, j'ai pas fini sur le four, mais du coup, il y a deux sols qui tournent. Le nôtre, on peut mettre 22 kilos de pâte crue et ça donne 18 kilos de pain cuit pour une fournée. Donc voilà, si on fait deux fournées, on sort 36 kilos de pain. Et puis voilà, à chaque fois, on peut rajouter 18. Faut savoir que bon, nous, on a c'est un peu compliqué l'espace de boulange quand même aux arènes. Enfin, on a progressé là cette année, on a fait des progrès de ouf. Enfin, l'année dernière, oui, on a bien progressé. Mais on a quand même des contraintes qui font qu'on met à peu près, entre le moment où on arrive et le moment où on va avoir fini notre phrasage de pâte, on a au moins une heure quand même, le temps d'installer tout le matos, parce qu'à chaque fois, il faut sortir le fournil de la remorque et installer tout le fournil devant la remorque. Donc, on met une heure et le rangement, c'est une heure aussi. Mine de rien, gérer les commandes quand même, de s'arranger de qui récupère son pain, qui m'a commandé, tout ça, c'est toujours l'embrouille. Donc ça, ça prend un petit peu de temps aussi. Et le pain au levain, c'est super, mais ça prend du temps. Donc, entre le phrasage et l'enfournement, il y a 5 heures à peu près, plus une heure de cuisson. Y passez la journée, 8. Quoi. En gros, tu mets 8 heures, ouais, pour une fournée. Tu rajoutes une fournée en plus, tu es à 10 heures. Donc, ça fait des bonnes journées quand même. Donc, c'est rare qu'on fasse plus de fournées pains, dans la journée. Ou alors, il y a quand même une super solution qu'on a un petit peu abandonné maintenant pour des questions d'organisation qui ont changé, c'est la pousse lente. La pousse lente, c'est assez cool parce que tu fais ta pâte la veille. Donc, du coup, on fait deux pâtes d'un coup. Et le lendemain, ça permet d'arriver, d'allumer le four tout de suite. Et tu peux faire un premier enfournement vers 10h du mat. Pas besoin d'attendre tes 5 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu gagnes vachement. Et ça te permet de faire 3 fournées dans la journée assez facilement. Et là, on a abandonné parce que on a le four qui est à un bout du terrain et on a une petite cabane d'un copain qui fait partie du collectif. Ça nous a bien sauvé la vie. Qui, lui, est artiste de cirque en résidence en permanence sur le lieu. Du coup, lui, il a un petit lieu qu'on peut chauffer. Ça, c'est un double avantage. Et donc, avant, on faisait les pousselandes dans sa cabane. On laissait la pâte. Donc, on savait à peu près quelle température il allait faire quand même. Mais ça demandait à chaque fois de tout déménager entre le four et la cabane. Ça nous faisait faire des trajets avec des bacs chargés et tout. C'était un peu contraignant. Donc maintenant, on a pris le pli de tout laisser près du four. Mais du coup, l'inconvénient, c'est que les poussantes, c'est plus compliqué parce que bah, pour fraser, il faut sortir tout le fournil. Comme il y a des rats là-bas, il faut tout ranger pour éviter qu'il y ait des bestioles. Donc, il faut ranger tout le fournil le soir et du coup, le matin, tout sortir à nouveau. Donc, ça fait beaucoup de contraintes. Ça fait beaucoup et de il y a des jours où, vous, du coup, vous ouvrez des ateliers, vous invitez les autres personnes à participer. Oui, alors ça, coup, c'est pas systématiquement. Oui, c'est ça. Donc, dans la question de pour qui on boulange, bah, on se balade aussi avec notre four. Alors, on fait bien évidemment tous les lieux de festival sur l'école de cirque, hein, où là, on amène juste notre four sur le parking et puis on fait de la boulange pour les artistes qui vont faire les spectacles, quoi, pour le catering des techos et des artistes qui organisent le festival ou qui font les animations et tout. Et puis, on propose des ateliers pains pour tous les gens qui passent. Donc ça, c'est dans le but de transmettre un peu des savoir-faire autour de la panification artisanale. Voilà, sensibiliser les gens sur ce qu'ils mangent, sur le fait d'avoir des farines de qualité, qu'est-ce que ça change. Parce que, par exemple, il y a plein de gens qui ont des intolérances au gluten qui se rendent compte que bah, notre pain, ils arrivent à le manger, qu'ils le digèrent mieux. Voilà, donc peut-être pas les grosses intolérances, mais bon, il y a quand même beaucoup de saloperies qui sont rajoutées dans les farines lambda qu'on trouve en boulangerie lambda, notamment bah, du gluten pur aussi, tout simplement, qui est ajouté dans la farine. Donc ça, nous, on n'a pas du tout. Et ça change pas mal la donne. Oui, ça permet d'éveiller un peu les gens sur... effectivement, toute cette mode zéro gluten, du coup, il y a aussi quel gluten. Ouais, c'est ça. Il y a tout un business un peu autour du pain sans gluten qui est vendu une fortune d'ailleurs. Oui, et puis pas que le pain d'ailleurs. Enfin, du coup. Oui. Ouais. Et on se rend compte que bah, déjà avec une farine de blé de qualité, moulue sur meule de pierre, bio, déjà ça change. Pas du tout les mêmes apports nutritifs. Bon, ça, on ne s'en rend pas trop compte, mais au niveau digestif, hein, déjà, il n'y a pas du tout les mêmes soucis de passer en semi-complet ou en pain complet. Ce n'est pas du tout pareil. Et puis, on fait du pain de seigle aussi, qui, pour le coup, est très pauvre en gluten. Ouais, donc, ça, les gens les aiment bien. On a eu des petites modes où on a fait du pain au sarrasin aussi. On a un petit peu abandonné en ce moment, mais c'est vrai que c'était assez intéressant aussi. Ouais, c'est bon, le sarrasin. Ouais, c'est super bon. Oui, c'est super bon. On fait une petite pause musicale, peut-être, et puis du coup, on continue. À tout de suite, 106.3, FPP, la jungle des luttes. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere rubò la finestra. Una spinta e Pinelli va giù. Su quest'ore io le ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Lunghe storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, che l'autore di questo tentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, prima una finestra, quattro piani su muri da fare. Thank you. 3000 compagni stringevamo le nostre bandiere. Quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere improppò una finestra, una spinta e Pinelli va giù. Des luttes, on continue Saboulange, Chaboulange avec donc Natacha les Westside Bâtards basés dans le cirque à Nanterre et avec Julien qui était à l'IBM qui boulange assez aussi à sa façon qui bosse à la conquête du pain même s'il boulange pas à la conquête du pain donc voilà, on est autour du pain. Et donc, on était avec Natacha qui nous racontait un peu cette aventure de ce collectif-là qui donc fait du pain une fois par semaine pour la propre consommation, qui le met en vente libre, auto. Voilà, ça se vend tout seul en auto-vente. Et avec aussi un partage surtout et une discussion autour du pain, de ce que c'est, une réflexion aussi de comment on s'approvisionne et on discutait là tout à l'heure aussi quel type de farine et comment, comment les gens aussi doivent être éduqués aussi sur le pain, sur ce qu'on mange, parce qu'il y a eu un petit peu de perte, enfin avec toute l'industrialisation, évidemment, on le sait bien, mais il y a un petit retour là autour du pain, des gens qui apprécient de plus en plus le pain artisanal et de plus en plus de gens qui font du pain. Il y a plein de fours justement mobiles, qui se balade un peu partout, donc justement dans différents festivals, manifs, etc. On était un peu en train de parler justement de là où vous agissez, là où vous vous déplacez, là pour qui vous faites du pain en fait. On en était un petit peu là avant la pause musicale, si tu veux reprendre, et puis après on enchaînera. Bah oui, parce que pour le moment j'ai surtout parlé de Nanterre, mais c'est vrai que l'intérêt d'être mobile, c'est aussi qu'on peut se balader un peu partout. Alors l'année dernière, notre remorque s'est déplacée à Bure, où il y avait celle d'Elsa aussi d'ailleurs. C'était à Bar-le-Duc, je crois, il y avait eu un grand rassemblement et du coup ça a permis de nourrir plein de gens. C'était très chouette. Moi j'y étais pas, mais visiblement grosse semblance. On était en lien avec une cantine dont j'ai pas le nom là, mais. Donc, ça avait. Donc, Bure, pour les gens qui peut-être ne visualisent pas, mais c'est avec le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Voilà, ouais. On commence un petit peu à en parler. Vous devriez être au courant si vous ne l'êtes pas. Ben voilà, il faut essayer d'être attentif aussi parce que c'est difficile aussi. Je pense qu'ils ont besoin de soutien. Il y a des solidarités qui se font justement là prochainement. Ouais, il y a une maison qui peut accueillir. Ah, bah tiens, d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un de là-bas ce week-end à Gonesse et j'ai appris qu'il y avait un four là-bas qui avait été installé. Et justement, c'était marrant parce que je disais « Ah, il y a l'atelier à 10h, qui veut faire du pain ?» Et donc, il m'a dit « Ah, mais nous, à Bure, on a du problème avec notre pain, il ne lève pas, il est tout plat, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, on a discuté. Non, visiblement, ils ont un levain tout ratatiné, pas beau. Et du coup, je lui ai donné du levain et il était super content, quoi. Il est parti en disant « Ah, c'est trop bien !» Mais donc, voilà. Bure, il ne faut pas justement partir de l'IBM, de l'International Boulangère Mobile. Eh ben non, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai vu pourtant sur le petit plan. Ah oui. Et peut-être le rose. Attends. Sur le j'ai rose, peut-être pas assez crois. Lu. Alors, parce que du coup, à l'IBM... Il y a deux revues, pour le moment parues, et d'autres à paraître. C'est ça. On est super contents de nos journaux. Et non, je ne crois pas, ça ne me dit rien. Et dans laquelle on peut trouver donc, des cartes détaillées de tous les... Bah, pas de tous, non, mais enfin, de plusieurs adhérents à ce réseau de l'International Boulangère Mobile. Ouais, alors pour le coup, ça vaut peut-être On a sauté quelques étapes. Peut-être on présente un peu le réseau, parce que je vais arrêter de parler des ouais, c'est bâtard. Hein. Le but, c'est de parler de l'IBM. De tout. De tout. Donc, j'aime bien. Il y a un petit dessin dans le journal que j'adore. Pour rejoindre l'IBM, il te faut. Et donc, il y a un super dessin, un four mobile. Et puis, on voit un petit four type belge avec des petits rollers au pied, là, qui est super chouette. Ou un four mobile à bidouiller, parce qu'il y en a pas mal qui ont des fours effectivement pas encore OP, ou l'envie d'avoir envie, ça compte beaucoup. Des convictions, alors ça c'est peut-être justement, ça rejoint aussi sur le pour qui on boulange, et puis l'envie de faire réseau, voilà. Alors l'envie de faire réseau, le dessin c'est un peu la France, mais en fait l'international est international. Petit à petit, voilà, ça se construit. Voilà, alors c'est un Il y a une petite internationale avec des copains qui sont en Suisse et en Roumanie pour l'instant. Enfin, en Roumanie, ils ne sont même pas trop sur la carte. Mais bon, il y a la Suisse, il y a la Suisse. Et là, nous, la remorque, elle part en Autriche, là, bientôt, la remorque des West Side Bâtards, sur un camp climat. Alors, c'est vrai que j'étais un peu étonnée qu'il n'y ait pas plus près que nous pour faire venir un four, quoi. Mais visiblement, ce n'est pas encore à la mode en Allemagne ou en Autriche. Donc peut-être que le concept va s'exporter bientôt et qu'il y aura des grosses commandes de fours à honorer bientôt pour l'Autriche. Mais voilà, ce qui est chouette, c'est de pouvoir soutenir comme ça des camps climat ou des rassemblements militants où il y a beaucoup de gens à nourrir. Et c'est vrai qu'avoir une boulange sur place, c'est quand même super chouette. Donc, ben, la première rencontre de l'IBM, c'était à Notre-Dame-des-Landes. C'était au moment de la victoire avec des plein de guillemets. On va dire l'abandon du projet. C'est ça. L'abandon du projet. Donc, il y avait gros rassemblement. Et c'était Paul qui était là-bas, mais avec plein de boulangers qui étaient venus d'un peu partout. Et du coup, avec cette première rencontre de l'IBM qui s'était faite à la Wardine. À la Wardine. Où tu étais. Que l'on salue. Oui. Ouais. Oui, c'était chouette. Et après, on était retournés au moment de la vague d'expulsion. On s'est retrouvés pas mal de copains de l'IBM aussi, qui étaient soit investis dans la cantine, soit... alors, pour le coup, il n'y avait pas un four mobile, mais il y avait les... On avait remplacé un peu un des deux boulangers, dont je ne me souviens plus le nom, mais... Oui, parce qu'il y a une boulangerie sur la ZAD. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'eux, ils étaient un peu occupés à défendre leur maison et ils étaient assez contents qu'il y ait du relais à la boulange. Et comme il y avait plein de gens à nourrir, c'était chouette. Donc voilà, l'idée de l'IBM, c'est un peu ça, c'est d'être une force un petit peu d'action pour soit faire venir des boulangers sur un lieu, soit faire venir des fours, soit s'échanger des tuyaux. Voilà. En octobre 2018, il y a eu une grosse action de l'IBM à Ende-Gelände, donc en Allemagne, pas très loin de la frontière, là, avec, contre les mines de charbon. Et là, il y a 3 fours mobiles qui étaient venus là-bas. Et je crois qu'ils étaient une vingtaine. Moi, j'y étais pas, mais il y avait une vingtaine de boulangers de l'IBM. Et du coup, c'était très chouette puisqu'ils ont pu se relayer, c'est-à-dire sans avoir des rythmes de fou, ils ont eu une production super intense. Je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois qu'ils ont fait en gros 3 tonnes de pain pendant peut-être 3 jours. Non, ça paraît beaucoup, mais je crois que c'est ça quand même. C'était un gros four. Bah là, c'était 3 fours. Il y avait 2 gros et 1 petit. Donc, il y avait ça. Et puis, peut-être, toi, tu peux parler de la prochaine grosse rencontre qui s'annonce. La prochaine grosse rencontre qui s'annonce, c'est surtout celle de... Enfin, parce que j'en ai entendu d'autres, mais bon, voilà, mémoire de passoire. La principale, c'est celle de Biarritz. Donc là, pour le G20. G7. Ouais, c'est ça. Mm. Et le G7 en fin août du 27-28, par là. Enfin, si vous y allez à partir du 26 jusqu'au 31, vous êtes sûr que vous tombez dedans. Donc à Biarritz. C'est peut-être même à partir du 25. Et ça va pas être à Biarritz même, ça va être un peu en dehors et qui rejoint donc l'appel de la ZAD, une fois de plus, de Notre-Dame-des-Landes. De l'ambassada. De l'ambassada. Ambassada Pour les rencontres intergalactiques. À voir si le copain nous appelle, parce qu'on est censé avoir un appel là du copain de Notre-Dame-des-Landes. Mais voilà, c'est un peu continuer à faire réseau entre les luttes et à s'organiser, à dénoncer et voilà toutes ces politiques internationales de mort en fait, promouvant la mort quoi. Peut-être on peut dire un peu le nom aussi des collectifs qui constituent cette internationale boulangère mobile. Ben oui, parce que c'est un réseau, donc forcément il y a des mouvements, il y a des gens qui sont là, présents ou pas forcément. Sans doute, peut-être pas tous. Puis ça peut être l'occasion de leur faire des petits big up. donc à l'origine du projet, c'est le Fournil de l'En Dehors quand même qui nous a un peu tous mis en réseau. Donc le Fournil de l'En Dehors, il est présent en Bretagne et en Suisse. Et puis alors il y a une grosse, il y a un gros réseau en Bretagne quand même. Ils sont assez forts ces Bretons. Donc là, salut aux Bretons et aux Bretonnes. La Patte Mobile, c'est un collectif qui déchire. Ils sont vraiment super forts et très très présents dans l'IBM, toujours très investis, très nombreux à chaque rencontre qu'on fait, et puis avec plein d'idées sur ce qu'on peut faire ensemble, et puis on aime bien aussi échanger sur comment ça se passe dans les collectifs, comment avoir des fonctionnements les plus horizontaux possibles, arriver à dynamiser, faire vivre l'autogestion. Enfin, là-dessus, ils sont pas mal. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on avait appris la pratique du PAD, qui nous sert beaucoup, nous, au sein des Westside Bâtards sur Internet, pour éviter de s'échanger 15 milliards de mails. Là, c'est un outil vachement pratique, je trouve. Oui, parce qu'en fait, l'international, c'est ça. C'est que du coup, là, on parlait d'il y a l'occasion de rencontre et de pouvoir fournir du pain sur ces mobilisations. Mais il y a aussi, surtout, aussi la possibilité de s'échanger, de se solidariser sur les constructions de fours, justement, comme on évoquait la question du four. Ouais. Peut-être aussi des fois des échanges de recettes, ou en tous les cas de savoir-faire, ou de voilà, type de farine, ça se travaille comme ci, comme ça, tu pourrais essayer ça. Donc il y a aussi l'idée de partager. Il y a plein de trucs à partager autour de notre matériel, donc construction ou réparation de four, autour de recettes, comme tu dis, sur comment vous faites. Enfin, c'est vrai que moi, le réseau de l'IBM, là, c'est un grand bonheur, quoi. Tu vois, on parlait du pain au sarrasin que je ne savais pas faire. Bah, hop, j'envoie un petit message. Oh, comment tu fais ton pain au sarrasin? Et puis, pouf, voilà, il y a le copain ou la copine qui répond. Donc ça, c'est une grosse... c'est vraiment un chouette, chouette outil. C'est-à-dire de se rendre compte... En fait, on est maître un petit peu de tout, quoi. C'est-à-dire les outils de production nous appartiennent et... au niveau des savoir-faire, on ne passe pas par des organismes, par des trucs reconnus ou autres. C'est-à-dire qu'on s'auto-forme entre nous. Enfin, y a une histoire de partage qui est vraiment... je ne sais pas, c'est un truc qu'on a perdu, quoi, à force de rentrer dans les cases et de vouloir avoir les diplômes, les papiers. Ouais. C'est-à-dire, en fait, nous-mêmes, on a la capacité de se former. Oui, en plus, sans dévaloriser la question du pain, c'est que c'est vrai que le pain, il ne faut pas grand-chose, en fait. Hein, de l'eau, du sel, de la farine. Enfin, du coup, c'est vrai qu'en plus, tu très vite avoir accès à la production parce qu'il faut peu de choses. Après, meilleure qualité, mieux c'est. Et donc, on peut aussi éventuellement parler aussi de comment on doit faire attention à où on se procure la matière première, comme on parlait du circuit court, de toute cette... Le pain, c'est magique pour plein de raisons, quoi. Mais c'est vrai que c'est super généreux, c'est super... Je vais dire, il y a un peu les deux. C'est super simple de faire du pain. Et en même temps, c'est aussi très complexe à la fois. Et du coup, il y a un truc où on ne s'en lasse jamais d'expérimenter, d'être confronté à des nouvelles difficultés, d'avoir envie de tester d'autres choses. Voilà. En gros, tout le monde peut faire un pain qui se mange assez facilement. Et après, je pense que tu peux passer des années aussi à enrichir ta pratique ou à boulanger à chaque fois de manière différente et il y a plein de défis en fait, enfin il y a plein de choses quoi, que ce soit au niveau des conditions de la boulange ou des saveurs à développer ou de nouvelles recettes à tester. Enfin, toi, tu disais quoi ? Tu voulais tester... Ah oui, vas-y. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut se rappeler que fut un temps, apparemment, le pain n'était pas forcément que de blé. D'ailleurs, il y a des pays où il n'est pas forcément que de blé. Il y a des pains de riz, il y a des pains de maïs, il y a des pains de... C'est quoi déjà le céréales ? De seigle, tu disais, tu voulais faire des, voilà, des croissants de seigle. Des croissants au seigle avec un collègue. Enfin, en tout cas, expérimenter, à tester. Mais il y a, enfin voilà, il y a plein de sortes de pains et ça c'est important aussi par rapport à la variété, enfin à l'enrichissement, enfin de nutritif au niveau de la consommation, enfin de pas manger aussi que du pain blanc, du pain avec blindé de, bah, enfin, comme on disait tout à l'heure, en plus avec ses farines, avec additifs, enfin, où en fin de compte, on voit sur le sac de farine liste des ingrédients. Non, enfin, moi, je m'attendais à voir blé, point. Et non, il y a une liste des ingrédients. Ça, c'est assez c'est dingue quand même. Enfin, je pense que... Enfin, je pense pas que je sois le premier des cons, quoi. Et je pense qu'on est plein à être passé à côté de ça, quoi. En fin de compte, la farine, maintenant, de plus en plus, ben, y a pas que du blé, quoi. Bon, déjà, ça, c'est une chose. Mais en plus, enfin, de s'être habitué à manger principalement du pain blanc et puis que du pain de blé, quoi. Et enfin, moi, ce qui me catastrophe aussi, c'est de s'imaginer, enfin, avec les consommations qu'on a de pain, tous les champs de blé... Enfin, toute la production de blé, toute l'accaparation en fait des terres agricoles, quoi, pour ce produit-là. Et au niveau intensif et au niveau, enfin, et avec tout ce qui, enfin, ce que ça entraîne des produits chimiques et compagnie. Donc, comment on peut justement essayer de raisonner un peu plus, davantage ça ? Moi, ça me paraît assez intéressant. Là, j'entendais une boulangerie à Montpellier qui fait pas mal de pain, bah, justement du pain avec tout plein de choses autres que du blé en fait, qui fait avec de la yuca, donc des patates douces, du sorgho, un céréale africain, et autres, et de la patate. Même en Italie, souvent on coupe le blé avec de la pomme de terre pour ce qui est de la fécule, pour justement donner un peu plus de force aussi à la pâte. Enfin voilà, des techniques qui, ben, qui continuent, de certaines qui sont perdues. Et enfin, moi, ça me paraît très intéressant aussi, justement, pour aussi casser un peu la spécialité, en fait, enfin, des agriculteurs, des producteurs qui ont dû spécialiser en fait et qui ont oublié, enfin, qui ont pas oublié, mais qui ont dû se spécialiser pour des raisons économiques, etc., de quotas et compagnie, et qui ont délaissé en fait un paquet de variétés de légumes, d'autres céréales aussi, comment on appelle ça, de graminées et compagnie. Il y a un petit une copine là qui a fait un petit article dans le dernier journal de l'IBM, je vous le dis un peu, c'est: connais-tu correctement les additifs et adjuvants autorisés en boulange ? Autorisés par la loi française. Et donc il y a un petit jeu qui consiste à prendre l'additif et à le relier à son rôle. On va pas faire le jeu, mais je vous lis juste les additifs: amylase fongique, farine de malt de blé, pululanase, gluten, farine de soja, ascorbique. Et donc à côté, bon, ça a des rôles, tout ça. Et ça finit par: tu as tout juste, ne t'en fais pas, il te reste encore 140 additifs à découvrir. Oui, c'est ça, c'est voilà. Que la liste est longue. Hein, ouais. Y a pas... Donc c'est assez délirant, ça. Bon, on s'aperçoit que maintenant, les gens regardent quand même. Hein. Là, on voit que les gens ils sont en train de regarder les listes quand même pour voir. Un petit peu. Ouais. Ça devient un business aussi. Hein. Je reviens un peu sur la pâte mobile. La pâte mobile. Sur, les copains, tous les collectifs qui font partie de l'IBM. Ouais. Les copains qui sont près de Rennes, eux, ils sont très en lien avec la Maison de la Grève à Rennes aussi, et en lien avec des cantines. Et donc, ils sont vraiment dans ce réseau de récup et de faire du pain pour soutenir les gens qui luttent, en fait, dans les secteurs de lutte. Donc, ça, c'est un truc super intéressant qu'on essaye un petit peu à notre échelle, nous, de faire aussi sur Nanterre, là. Où, pour le coup, ça nous est déjà arrivé, ouais, de faire du pain pour les postiers du 92, par exemple, qui sont en grève là depuis 400 jours quand même. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, j'en ai reparlé avec eux il y a peu de temps. Il faut vraiment qu'on essaye aussi de refaire du pain pour eux bientôt, parce que ils sont, c'est vraiment pas le moment qu'ils lâchent, visiblement. Ils arrivent quand même à avancer dans les négociations. Mais bon, c'est un truc de fou, le temps que ça prend. Et c'est vrai que là... Là, ça fait plus d'un an où ils ont des payes à zéro. Ils galèrent vraiment même pour se nourrir, quoi. Donc voilà, c'est aussi le but de pouvoir avoir quelque chose qui nourrit, qui est simple à produire, qui coûte pas cher et qu'on peut aussi soit vendre à prix libre, soit offrir sur des gens qui en ont besoin et qui sont dans des secteurs qui luttent. Et nous, on n'a pas forcément le... Notre secteur n'est pas forcément en lutte, du coup on en profite, ou alors on vend d'un côté à des gens qui ont des sous, et puis avec ça permet de financer ce genre de choses. Alors après, je ne connais pas aussi bien tous les collectifs, je les connais un petit peu plus. Le Pain qui court, ils sont identifiés dans le 35 aussi. Il y a Anatole qui est tout seul avec sa petite boulange. Valérie, du pain et des jeux, les pieds dans le plat, le four à pain, Graines sauvages, Matt Granier, La moissonneuse battante. Salut les copains, je pourrais en dire deux mots, ça je connais un peu plus. Et La tartine errante dans le Nord, qui accueillait le week-end dernier, hier et avant-hier, ouais, les rencontres numéro 3 de l'IBM. Dans la région de Lille. Donc. Où tu étais toi donc, Julien? Oui. Ouais. Ouais. Tu veux en dire un mot? Bah, allons-y. Donc nous, en fait, avec un boulanger de la Conquête du Pain, on était intéressés justement de voir un peu ce réseau alternatif. Enfin, donc la Conquête du Pain, ça se veut une boulangerie dans un sens assez conventionnel, maintenant constituée en SCOP, recherchant une forme d'organisation basée sur l'autogestion. Donc une horizontalité entre tous les employés, les intégrants, et pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur. Peut-être pas trop conventionnel, puisqu'on est tous payés au même taux horaire. Aussi, important. Mais bon, aussi. C'est une boutique, pignon sur rue, des baguettes et plein de pain très bon. On vous invite pas à venir parce qu'on en fait déjà trop. Ouais. Pas clair. Ou il y aura pas assez de pain pour vous. Il y aura pas assez de pain pour vous, quoi. Et donc voilà, nous étions intéressés pour aller voir davantage, ce que c'était que l'international boulangère mobile. Mais peut-être qu'on peut faire quand même une petite pause musicale avant de se lancer dans cette rencontre là, parce que là d'un coup. Là, il faut faire une pause. Il faut faire une petite pause, et puis, parce que c'est important pour que les gens puissent avoir envie de nous réécouter. Et si jamais vous n'avez pas le temps de nous écouter, vous pouvez éventuellement consulter le site pour écrire, avoir des infos et tout ça. La boulangerie mobile, boulange mobile, en un seul mot, sans majuscule, sans rien, @riseup.net. Si vous voulez plus d'infos. Mais bon, on se retrouve là après la petite pause musicale. 106.3 FPP. La jungle de la lutte. La balla que me hiera será balla con alma. El alma de esa balla será como sería la canción de una rosa. Si las flores cantaran o el olor de un topacio, si las piedras olieran o la piel de una música, si nos fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos. Oh, oh, oh. Como los hombres de la noche, los auxiles, los hombres murciélagos. nosotros podemos despedazar y desenterrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a ser el bienvenido. Mostraron su rostro al mundo en siglos, fueron ignorados. Por ello sus rostros cubren como revolucionarios. El pueblo se ha levantado a defender sus libertades en contra de la opresión y las injusticias sociales. Muchos no aprueban tus actos, se llaman neoliberales. Pocos hacen lo que Marcos, lo dijo don Oscar Chávez. Él fue subcomandante y aunque te juzguen de loco, que nadie podrá callarte, yo y a nosotros tampoco. Políticos marcaron su afán de castigarte. Pregúntenle a la gente de Acteal, es humillante. En México para ustedes, nuestros presidentes fingen furia, democracia, libre comercio reside, que la lucha por Chiapas hará sus tierras tangibles, los indígenas cosecharán un pueblo libre, por la sangre de tu gente ven en señales y diles, las ideas llegan más lejos que sus putos proyectiles. La lucha sigue, capitalismo no ha parado, historia con sus siglos opresores ha fallado, bien asimilado su concepto de control en plano, técnicas políticas enajenado no ha cambiado, retoma sustancia, colonia el hombre blanco, harto de la posición racial brutal hermano, coraje acumulado y es porque nos levantamos, cansado de gritar y mi voz nos ha escuchado, no, no, es insoportable romper el sufrimiento, el silencio inaceptable. Quisieran ver este proceso como matemáticas, borrego idiotizado por superficiales pláticas. Somos el producto de su tonta indiferencia, pasivo, retardado, resignado con demencia. Gente organizada con un solo corazón, camino en las montañas, paliacate absorbiendo el sudor. Boina de color, piel morena bajo el sol, esperanza que amanece, causa la misión. Esclavitud que se festeja al ritmo de las masas, levanta tu tequila celebrando la falacia. Mi lucha no termina, tu lucha está terminada. Disfraces en la escena con sonrisas tus malas jugadas. No, no, señor, por favor, no venga con sus cuentos, pues mi mente despertó. Estas voces del silencio provocan un gran estruendo. Cambio de contexto levantando el puño izquierdo. Orgullo que fluye cuando llevo el puño al cielo. Retomo los cimientos de la X en el texto. Boom, ha, desde el pueblo para el resto. Boom, ha, levantando el puño izquierdo. Levantando el puño izquierdo. Sí, sí, ¿qué? Digan cuál independencia, digan cuál revolución. Si seguimos ajustados a un proyecto de nación que mientras más avanza más nos quita libertades. Nuestros derechos se esfuman, ¿dónde están las equidades? Campesinos piden tierras, no modificar la ley. Que viva Zapata, el acuerdo de San Andrés. Hay quien trabaja y no come, eso es lo que quieren ver. Gente rica y holgazana muere de tanto comer. Ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni López Obrador. Tampoco el imbécil de Felipe Calderón. Dan solución al problema, ese tema no lo entonan, pero anuncian Vive México, la selva lacandona. Comerciales por la tele para que el turismo crezca. Agrícolas extranjeros para que el indio padezca. Seremos guerrilleros narrando realidades como Lucio Cabañas, Marcos y Genaro Vázquez. Instituto del habla para mi gente guerrera, Aguichar y laico, para la gente de Oventic, en los Aguascalientes, Caracoles y demás campamentos zapatistas. Que viva la guerrilla indígena. Seguimos en la lucha. Rap con sabor a México. La paz nos arma, porque las tierras son para quienes las trabajan. ¿Quién? Preguntamos. ¿Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? FPP, la jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Vous pouvez nous retrouver, comme je disais en début d'émission, le 1er, 3e et 5e mercredi du mois à 20h30. C'est une assemblée ouverte. On parle des zapatistes au Mexique et donc de ce soulèvement des peuples indigènes, paysans, pour construire un nouveau monde. Et on a déjà plusieurs fois parlé de tous ces appels qu'ils font à nous tous pour construire autre chose, autrement, d'autres valeurs, des valeurs surtout, l'éthique dans ce qu'on fait aussi, un peu de respect, d'amour, d'échange et de rencontres. Et donc, voilà, il y a des rencontres qui se font un peu partout, régulièrement. C'est important, on s'enrichit, on rencontre des gens. Et donc, du coup, là, hier, avant-hier, il y avait cette rencontre, on en parlait tout à l'heure, de l'internationale boulangère mobile dans la région de Lille, enfin, pas très loin de Lille, donc. Et c'est la troisième rencontre qui a eu lieu, c'est ça ? Oui. Enfin, comme International des boulangères, des boulanges, des boulangères mobiles, il y a eu d'autres actions où là, on le disait, il y a eu l'occasion que les gens viennent boulanger sur des lieux, des mobilisations, des camps, etc. Et donc, il y a des rencontres régulièrement où justement, c'est l'occasion de partager. On disait, c'est le partage de savoir-faire, d'idées, de construction, de fours, de recettes et de se solidariser. La solidarité est importante quand même aussi hein, avec des projets pour certains peut-être plus ou moins collectifs, individuels. On parlait de ça aussi tout à l'heure. On parlait de la question des farines. Il y a plein de choses à aborder. La question du prix libre aussi, du coup, à quoi ça renvoie, combien ça vaut, qu'est-ce qui vaut quoi, ça vaut quoi. Et voilà le partage. Et puis ben voilà le don aussi de pain. Et donc, plein de choses qui sont en discussion. Et vous avez, donc, toi, tu n'as pas eu l'occasion de suivre toutes les discussions de cette dernière rencontre. Mais en tous les cas, tu peux peut-être partager quelque chose avec nous sur ce que tu as pu entendre. Et, bah, malheureusement, pas, ouais, pas, malheureusement, pas pu être de A à Z. On est arrivé surtout pour l'apéro, en fait. Pas parce qu'on le cherchait. Et bah, voilà, ça s'est donné comme ça. Travailler, vie parisienne, enfin bon, y a, vous savez. Et donc, voilà, on est arrivé donc, à Landrecy, dans le 59, dans l'Avesnois, et reçu par des gens du collectif Parasite, et donc qui sont basés sur l'île et autour. Et présent dans nombre de festivals. Et à Landrecy, apparemment, il y a un festival auquel ils avaient l'habitude de participer. Et donc, un couple a trouvé un corps de ferme et s'y est installé et a proposé, à 2 semaines d'avoir reçu les clés de ce corps de ferme, de recevoir l'IBM, l'International Boulangère Mobile, pour des rencontres que moi j'entendais beaucoup basé sur un peu de on est à plus d'un an, presque 2 ans, ou plus ou moins 2 ans, d'avoir conformé ce réseau. Maintenant, voilà, d'avoir créé ce réseau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut en faire, vers où on veut se diriger. Enfin, moi j'avais entendu que pas mal de questionnements étaient autour de ça. Et donc voilà, nous en tout cas on était avec la curiosité de voir un peu qu'est-ce que c'est que l'IBM, qui est-ce qui la conforme, quelles sont leurs recherches, est-ce que nous comme Conquête du Pain on pourrait intégrer l'IBM ou pas, est-ce qu'on serait en adéquation ou pas, et donc voilà, on s'est lancé par là-bas. Et donc était présent, donc comment j'avais dit, le collectif Parasite qui faisait des pétrins en bois, qui dessinaient, qui ont fait un atelier de pétrins en bois, de pelles à bois aussi, enfin de pelles à enfourner. Et puis il y avait deux fours mobiles, donc l'un des tartines errantes et l'autre, pardonnez-moi, je ne me souviens plus de du collègue, mais un collègue de Lille, donc toujours du Nord. Et voilà, et à partager leur manière de faire du pain, leur but, leur recherche, leur style de vie aussi, un peu, enfin, dans un sens joyeux, festif, avec une qualité, quoi, une qualité de vie. Puis des Bretons qui nous ont fait la danse le soir. Les fameux Bretons. On les retrouve. Je vous ai dit, ils sont partout. Ouais, c'est ça. Si vous n'allez pas dans le sud au mois d'août, vous allez en Bretagne. Il se passe des trucs. Ils sont infatigables. Et sur la danse, ils sont forts. Et sur la danse, ils sont. Ouais, en tout cas, ils ont pas mal fait bouger. Et puis il y avait aussi une personne qui représentait donc le réseau de semences paysannes, un jeune qui venait de récupérer une ferme familiale et dans laquelle il s'est mis à, bah, comme boulanger paysan, donc à faire son blé, blé de pays, et à faire son pain à partir de son blé. Et donc voilà, nous on s'est approchés. Bon, c'était un peu difficile pour nous, sachant qu'on venait de travailler, le voyage, le passé de la dynamique parisienne où tout est super rapide, et puis tout d'un coup voir que bah, les choses étaient beaucoup plus relaxes. Mmh. Alors bon, prendre le pli, c'est pareil, il faut sans transition, c'est un peu dur. Ça a été beaucoup plus simple le lendemain après un bon repos. Et voilà, et à mettre ben voilà, questionner par rapport aux semences, par rapport à la matière première, à questionner par rapport à comment faire le pain, enfin, sachant que nous aussi, à la boutique, enfin, à la conquête du pain, ben, on est surtout sur des boulangers qui, ben, qui ont passé des CAP ou des écoles de boulangerie, un peu plus dans une méthode ouvrière, même un peu plus voilà, sur des plans aussi en général hiérarchiques, enfin, autoritaires. Celui que je dirais avec beaucoup d'orgueil que, enfin, on a réussi quand même pas mal à casser à la conquête du pain, cette hiérarchie. Et donc voilà, donc à questionner un peu ces choses-là, enfin en tout cas à les débattre, et puis voir aussi le, bah, débattre aussi sur ce moyen, cet outil de travail en fait, que bah, que ce sont autre, enfin, compris les adhérents qu'ont fabriqué les adhérents de l'IBM, en fait, à se dire ben, du travail, on peut se le faire soi-même, on n'a pas besoin d'aller se le demander, et même en partant de peu. Et ça, je trouve que c'est pas mal la force en fait de l'internationale boulangère mobile, c'est qu'avec peu de ressources, même enfin, pensant de pas forcément avoir de terrain, je veux dire, aussi par rapport à ou de local ou etc. Et ben pouvoir se faire sa propre vie aussi, et puis en même temps jusqu'au point de pouvoir partager aussi, enfin, de sa production, et d'en jouir dans le sens d'en profiter, de le faire avec la bonne humeur, avec un rythme sain, avec de l'envie, avec du partage. On entendait là aussi avec des enfants, avec un côté aussi éducatif, pas que par rapport aux enfants, je parle là par rapport aux adultes aussi. Donc, enfin, moi, ce qui me paraissait assez attractif, c'était beaucoup ce côté-là, de prendre les outils de travail, de se donner l'opportunité, et voilà, et de là d'inventer, de là de d'échanger. Et en plus, dans le sens de ne pas être seul dans son coin à essayer de le faire, sinon ben, de sentir aussi de l'appui, et même sans forcément être les uns sur les autres, enfin, dans un sens de ce réseau extensif, enfin, dans le sens la France, l'international, de se sentir appuyé, de sentir que ben, où qu'on aille, on a de la famille, dans un sens, que ce soit depuis les producteurs, les paysans ou agriculteurs, les moulins et les boulangeries ou les autres fours mobiles, en fait. Donc ça, c'est pas mal la force qu'on y a retrouvée, qui a beaucoup de potentiel. Et puis, ben voilà. Ouais, d'ailleurs, on s'est fait une petite carte interactive à l'IBM, donc sur une page internet, quoi, où chaque personne du réseau peut ajouter les endroits où il connaît des meuniers qui bossent bien, ou des paysans paysans meuniers des fois qui font de la farine chouette, pareil pour le sel. Et puis on met aussi les endroits où il y a des boulanges avec des fours mobiles qui peuvent éventuellement être empruntés aussi pour aller faire des actions dans le coin. Voilà, sachant que tous les collectifs ne sont pas prêts à prêter leur four, hein, ce qui peut se comprendre aussi, mais ça peut être aussi, plutôt que de faire 1000 km avec notre four, des fois c'est plus sympa d'emprunter le four d'un collectif qui est dans le coin d'où on va. Donc il y avait cette idée vraiment de faire réseau aussi pour ça, quoi, sur des... sur une échange de tuyaux, ou même si on va boulanger loin de chez nous et qu'on ne connaît pas forcément les meuniers du coin, ben cette carte elle peut permettre d'avoir des bons plans. Donc chacun renseigne, c'est super pratique, en plus on peut mettre plein d'infos sur le contact du meunier, quelle variété de blé il fait, quel jour il faut le contacter, enfin voilà, on se met vraiment plein d'infos là-dessus. Ah, c'est ça, nous justement, chercher un petit épeautre. Il y a une petite histoire que j'aime bien. Donc, on dit souvent qu'à l'IBM, la boulange c'est une forme de résistance sociale. Et puis, on parle d'une des premières mesures sociales révolutionnaires de la Commune de Paris en 1871, qui a été l'interdiction du travail de nuit des boulanges. Parce que bah, justement, les communards ils considéraient que l'exploitation nocturne de la force humaine, elle était dictée que par des stricts intérêts marchands. Et du coup, il y avait cette idée de remettre ça en cause. Alors, tu parlais un peu du respect, du rythme aussi des personnes. Bon, bah, c'est l'idée d'avoir un outil simple et de pouvoir être autonome avec son outil de travail. C'est aussi cette liberté-là, quoi, de choisir quand est-ce que j'ai envie de travailler, comment je m'organise et quel est le rythme qui me va. Même si au sein de l'IBM, il y a des gros malades qui aiment bien les gros défis et genre faire une tonne de pain ouais, en une journée. Ou même si travailler la nuit aussi, c'est une autre ambiance en même temps. Ouais, enfin, du ça coup, peut quand aussi on travaille clair, ouais. Mais non, mais parce que du coup, je pense qu'il y a un certain silence qui n'est pas le même que, que quand tu es enfermé dans un fournil finalement. La nuit seule avec il y a le bah ça c'est dans le premier journal là où il y a le concept de boulanger infini qui a été présenté par Paul là qui justement avait mis ça en place d'une boulange qui s'arrête jamais où tout s'enchaîne et en fait c'est assez chouette d'ailleurs parce que il y a un rythme de le pain four où est toujours chaud. On peut avoir une fois qu'on fait une fois qu'on enfourne, ça veut dire qu'on libère les pâtes où le pain était en train de lever après avoir été façonné. Du coup, une fois que les bacs sont libres, ça veut dire qu'on peut refaçonner l'autre pâte qui nous attend dans les bacs où la pâte était en train de lever. Une fois que les bacs sont vides, ça veut dire qu'on peut sortir la pâte qui est dans le pétrin pour faire un rabat et faire lever la pâte dans les bacs. Une fois que le pétrin est vide, ça veut dire qu'on peut refaire une nouvelle pâte. Et généralement, quand on a fait ça, le pain est cuit, on le sort. Et une fois qu'on libère le four, on peut réenfourner. Enfin voilà, ça n'arrête pas, ça s'enchaîne tout le temps comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la boulange infinie, où du coup, toutes les heures et demie, tu lances une pâte et tu as 6 ou 7 pâtes autour de toi qui traînent. Et tu peux c'est assez rigolo. Tu peux venir à la conquête du pain si tu veux. Ouais, c'est ça, c'est votre rythme. qu'est-ce qu'on n'a pas dit parce que là le temps passe, il y a plein de rendez-vous à dire. Ce que je voulais rajouter aussi, c'était le côté, à travers ce réseau, tout ce qui s'entrecroisait. Tout à l'heure, tu as mentionné aussi le Mat Granier, qui fait partie du réseau. Pour rappeler, le Mat Granier, c'est Longomaille, c'est un Longomaille à Saint-Martin-de-Croix, qui s'est spécialisé dans la confection de pâtes, de pâtes italiennes quoi, de pain. Ils vendent aussi aux AMAP. On parlait des AMAP aussi un peu tout à l'heure. Je ne sais plus s'il y a hors micro ou micro, mais bon, pas mal de personnes de l'IBM fournies aux AMAP et qui ont une conserverie aussi. Enfin, toujours est-il que Longomaille c'est aussi un autre réseau, un réseau de paysans. Et entre autres réseaux aussi qui s'entrecroisent à travers l'IBM, c'est le réseau de la résistance. On parlait des ZAD, on parlait de Bure, on parlait, le G7, enfin en tout cas le contre G7 qui va se faire fin août. Et puis nous qui nous sommes ajoutés, je dis pas qu'on est un autre réseau, mais en tout cas, dans le sens où il y a un intérêt quand même. De par d'autres boulangeries, de par tout ce qui est du milieu alternatif, de rencontrer un peu cet outil-là, en fait, ce réseau-là. Avant qu'on se quitte, je donne quand même des infos sur... il faut savoir que maintenant, on a des copains qui fabriquent des fours de type belge et qui sont drôlement mieux que les fours, les Soupar ou les Mavec, là, qui sont vendus. en Belgique. Et c'est un chantier qui est installé à Saint-Denis, au Clos Sauvage. Et que si les gens veulent des infos ou autres, ils peuvent envoyer un mail à boulangemobile@triseup.net. Et en tout cas, c'est le fournil de Landeur là, qui s'occupe de la construction de ces fours. Et ils sont trois. Et ça aurait été chouette d'avoir un des trois ce soir avec nous, mais malheureusement, il ne pouvait pas ou il ne voulait pas venir. Mais en tout cas, il y a deux super Soudanais soudeurs qui font vraiment du chouette boulot. Et donc, je crois que c'est le moment d'en profiter pour soutenir leur projet aussi, parce que ils ont vraiment monté un chouette truc où eux aussi, ils maîtrisent leur atelier, ils ont leur outil de production aussi, ils se sont créés ça, ils fonctionnent de manière horizontale et anti-hiérarchique, autogérée, tout ce qu'on aime. Et ils nous permettent, à nous qui avons envie de boulange un peu partout, hein, Il y a déjà un petit dessin four mobile d'ailleurs à Paris en fait là, parce que sur À Saint-Denis, ils ont formé aussi là, des copains qui ont installé un four il y a peu de temps à La Poterie, qui est l'ancienne attiéké qui a déménagé là. Donc, ils se sont mis à la boulange aussi là-bas. Je parlais tout à l'heure en région parisienne, c'est à Montreuil, là où il y a Salut les copains. On peut d'ailleurs parler, c'est dimanche, je t'ai dit la date, 26 mai, au Square Barbara à Montreuil, où là, c'est une assoce assez incroyable aussi. Ernest Savard à Montreuil. C'est ça. Et là, c'est Didier qui boulange à Montreuil, qui est vraiment un très, très, très, très chouette boulanger et qui aime énormément transmettre et qui fait un boulot incroyable localement. Et lui, il a bossé d'ailleurs avec des copains en école de design qui ont fait deux très chouettes trucs d'ailleurs. Enfin, ils ont fait plein de choses chouettes, ces copains. Mais il y a un site incroyable de la copine qui a bossé sur le pain, sur l'agriculture aussi, avec plein de super liens. Alors, j'ai pas le... Là, c'est pareil, c'est boulangemobile@triseup.net si jamais vous êtes intéressé pour avoir ces infos-là. Et lui, le copain, il a fait un très beau film sur la paysannerie, avec son histoire personnelle qui est assez incroyable d'ailleurs, de son père qui s'est retrouvé à tester plein de saloperies pour l'agriculture et qui a été super malade et du coup qui se reconvertit dans le bio maintenant. Et lui, il vient de l'Est, là, de Champagne, je crois, dans une région assez dévastée par une agriculture intensive qui est vachement mise en question. Enfin voilà, ils ont fait des chouettes boulots tous les deux, ça vaut le coup aussi de voir. Et pareil, hein, mail boulangemobile@triseup.net si vous êtes intéressé pour avoir un four. Oui. Pour choper un four là, des copains à Saint-Denis. Et puis, vous mettre, partie ou pas du réseau, mais en tout cas, vous mettre à faire du pain. Et l'envie d'avoir envie. Et avec toute l'indépendance et l'aventure que ça peut permettre. Et si vous voulez nous rencontrer, alors pour les Parisiens, je suis désolée de ceux qui nous écoutent un peu plus loin, mais on sera à la Parole Errante. Il y aura un petit bout d'IBM à la Parole Errante le 29 juin en soutien à Bure, qui organise une soirée là-bas. Donc le 29 juin à la Parole Errante. Eh bien ouais, on essaye de vous le rappeler le mois prochain, mais notez-le déjà sur vos tablettes. Hein. Ça arrive vite l'été, il y a plein d'activités et c'est important. En plus, en général, la Parole Errante, il y avait le festival de la CNT en général à ce week-end-là. Du coup, on avait l'habitude aller, nous, du coup, avec notre stand. Et donc, avec plaisir, on s'y retrouvera de nouveau, toujours à la Parole Errante le 29 juin. On va bientôt devoir se quitter. Mangez du bon pain. Faites attention à ce que vous mangez. Et puis venez faire du pain. C'est tellement kiffant de faire du pain. Il y a pas mal de gens qui essayent de faire leur pain chez eux. Puis au bout d'un moment, ils galèrent. Donc ils viennent chercher des boulangers pour se dire, bon, attends, il faut que je prenne une petite... Ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de Gonesse. Et du coup, bah, vous vous rattraperez peut-être. Il y a Joël de l'actualité des luttes qui est venu faire du son à Gonesse hier et qui est passé à la boulange. Peut-être que si il vous écoutez l'actualité terrain, des luttes, ouais. Bravo, Joël, il y aura peut-être un petit peu de son de la boulange où il y avait une espèce d'IBM Île-de-France présente à Gonesse. Donc ouais, il va falloir laisser la place aux copains. Merci beaucoup à vous, chères auditrices, auditeurs de FPP 106.3, la jungle des luttes. Donc on se retrouve le troisième lundi du mois de juin à 19h. J'ose plus vous dire qu'on a un blog sur lequel on met nos émissions, puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on ne met plus nos émissions sur le blog. Mais vous pouvez écouter nos vieilles émissions, hein. Ça fait des années, on en a plein. C'est la jungle des luttes. Hein. Et sinon, donc, je vous rappelle, 20h30, 1er, 3e et 5e mercredi, 33 rue des Vignoles pour rencontrer le CSPCL si vous voulez venir partager avec nous. Et ben voilà, merci pour la technique, merci à FPP. N'oubliez pas le concert en soutien à FPP samedi 15 juin à l'espace à 19h30, 6 boules. 15 rue Jean-Antoine de Baïf dans le 13e. Et bah, merci à vous, on se retrouve bientôt. Salut. Por siglos y por siglos se han ultrajado pueblos consumidos en el abismo de una gloria por el delirio neoliberal. Donde los cientos de mentiras se han mantenido hundidas en el culo de los bandidos que han saqueado lo que han podido a la sociedad. Ese lugar que esconde las heridas en el alcohol de, miente que viaja al norte sin perderse. Y así Bye.